En parade. Accordéon parade est une émission que vous propose, que vous présente Michel tous les dimanches entre 9h et 10h. Et accordéon parade, c'est le plateau d'accordéoniste. Le bonjour de l'accordéon. Et c'est une émission 100% musette sur la bande FM. Une émission pour les mordus du dépliant. Auditrice, auditeur de Sorgia, FM, ami de l'accordéon, ami du musette, bonjour. Pour nous mettre dans l'ambiance, c'est Jean-Daniel, son accordéon, qui va nous interpréter un paso doble. Olé! Anda! Thank you. Et merci à ce sympathique accordéoniste qui nous vient du Portugal, João César, qui vient de nous interpréter une marche portugaise. Et on continue, ou plutôt, on va faire une promenade à Paname, à Paris. Et on est parti pour la valse. Et ça tourne. We'll be right back. Merci à ces deux sympathiques accordéonistes italiens qui viennent de nous interpréter quelques classiques de l'accordéon. Allez, on continue avec Franck Salle qui nous dit « La boudeuse ». Merci à Jules Nicoli d'avoir composé ce morceau. Jules Nicoli, sympathique accordéoniste qui nous vient de Corse. Et attention, maintenant, ça déménage avec André qui nous interprète Martelette. Merci à André qui vient de nous interpréter une composition de Monsieur Émile Prudhomme. Et maintenant, c'est la princesse de l'accordéon, une sympathique accordéoniste qui nous vient de Belgique. C'est Erika qui nous interprète en portugais. danse le passe doble. Sans jupe en vol, et la foule en raffole. Pas de corrida, la reine, c'est sa piste. Et rien ne lui résiste, c'est un super phénix. Claque avec talons, elle lève les gambettes. La gorge chaude, elle vous tourne la tête. Les castagnettes crépitent, c'est la fête. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et c'est l'accordéon parade que vous écoutez. Une émission 100% de musette, une émission que vous propose, que vous présente, que réalise Michel tous les dimanches. Entre 9h et 10h. Émission que vous pouvez réécouter en podcast sur les 91 MHz de Sorgia FM sur Internet. Alors, vous voulez écouter l'émission de la semaine dernière, vous mettez Internet, Sorgia FM, et vous cliquez sur podcast. Comment ? Ah non, non, le mardi, non, ça, que ça, des fois ça passe pas, c'est le caprice de la technique. Non, écoutez, en podcast, vous serez sûr de trouver Michel dans Accordéon Parade. Bien sûr que c'est sur Internet. Musette Accordéon Parade. Et c'est une émission pour les mordus de l'accordéon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien oui, on va réécouter de l'accordéon. Et puis vous savez pas ce qu'on va faire? Eh bien, on va danser la java. J'y Et oui, on danse la java. Et à petits pas. Thank you. Java, c'est beau la Java, et c'est facile à danser, vous faites une valse, et puis vous faites un petit pas, et ça marche. Allez, maintenant on va, eh bien, on va écouter une marche interprétée par Antonio Guilherme. Thank you. Merci à Albert Hennebelle qui vient de nous interpréter cette valse musette. Et bien maintenant, on va écouter un accordéoniste sympathique qui fait du genre, mais qui joue très bien. C'est Clinton Chenier qui nous interprète Jimbalaya. Clinton Chenier. So what we're going to do right now is take it down to the bayou. Way down the bayou is where the crawfish got sold. And the alligator sing the blues. And we la-la. Oh, I saw. Ow! Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Elle est belle comme un camion, des semelles jusqu'aux ailerons. Elle a tout ce qu'il faut là où faudrait pas. Elle est généreusement carrossée. Mercedes, Mercedes, c'est une sacrée cylindrée. Mercedes, Mercedes, croissons. voulez. Mercedes, Mercedes. De pression, compression. Mercedes, Mercedes. N'attaque de l'air dans les poumons. Comme la crémière du quartier qui vend du beurre et du lait. Elle a de beaux pare-chocs bien avancés. Elle est toujours prête à vous transporter. Mercedes, Mercedes, c'est une sacrée cylindrée. Mercedes, Mercedes, 300 chevaux sous gonflés. Mercedes, Mercedes, et gourmand de carburant. Mercedes est une femme qui tient la route par tous les temps, qui tient la route et tout le restant. C'est Mercedes. Et oui, c'est merde. Mercedes, elle est sympathique, Mercedes. Et c'est les papes Christol qui nous ont présenté Mercedes. Oh, mais ils nous ont pas dit que Mercedes avait deux de beaux souliers qui brillaient bien, qui étaient vernis. Mais c'est Monsieur Marceau qui va nous dire ça, la Java des vernis, et c'était en 1935. Thank you. Merci à Monsieur Marceau, du Grand Marceau. Et nous étions en 1935. Et bien maintenant, si on allait faire un petit tour au balajo, ou plutôt valser avec sa préférée, morceau d'accordéon interprété par Monsieur Joe Privat. Et c'est Raymond qui s'y colle. reste encore dans mes bras. Avec toi j'ai vu jusqu'au jour passer cette rumba d'amour. Son rythme doux nous emporte bien loin de tout, vers les pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Le petit contre mon épaule, le temps dit qu'on aime se frôle. Tu vas tes yeux qui m'enjolent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je connais rien au monde les meilleurs. Marine est là, en restant encore dans mes bras. Avec toi j'ai vu jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Quand je te tiens là, là sur mon cœur, pour moi c'est un tel bonheur qu'aucun mot ne peut l'exprimer. Tout mon être est transformé. Je voudrais que ce moment qui me trouble éperdument se relonge éternellement. Marine est là, elle reste encore dans mes bras. Avec toi j'ai vu jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Hey. Merci à Patrick Thuillet qui vient nous interpréter un passo doble et qui nous entraînait à la fin de l'émission d'Accordéon Parade. Je vous rappelle que vous venez d'écouter Accordéon Parade, une émission pour les mordus de l'accordéon, et c'est tous les dimanches entre 9h et 10h. Émission qui est rediffusée en podcast sur les 91 MHz de Sorgue FM, sur votre radio locale Sorgue FM, et c'est sur internet bien sûr. Et puis Accordéon Parade, c'est un petit bonjour de l'accordéon, c'est le dimanche. Ça détend, ça fait du bien. Et c'est une émission 100% musette, une émission que vous propose, que vous présente Michel. Réalisation également de Michel. Et c'est Michel et ses amis accordéonistes. Je vous quitte, auditrice, auditeur de Sorgue FM. On se retrouve bientôt pour une autre émission, un autre dimanche, en direct sur les 91 MHz de Sorgue FM. Merci, merci d'avoir écouté Sorgue FM et Accordéon Parade. Écoutez Sorgue FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. C'est dimanche. Et tous les dimanches, sur les 91 MHz de Sorgue FM, de 10h à 11h, une heure de détente, une heure de bonne humeur avec Michel. Comment allez-vous, auditrice, auditeur de Sorgue FM? Ce dimanche, le soleil est voilé, mais il fait chaud, il fait bon. Alors, c'est bientôt les vacances? Alors là, Michel, t'es en train de bidouiller quelque chose, hein? Pour nous parler de vacances. Puisque je vous parle de bidouiller, si on écoutait Dominique Floquet, son orchestre qui vont nous interpréter la bidouillade. Allez, on est parti! pas saut, le tango c'est bien fini. La java, la rumba, tout ça c'est cuit. Mais voilà la nouvelle danse aujourd'hui. La ratatouille d'un petit gars du Berry. La bidouillade, mettez-vous tous bien en ligne. La bidouillade, on fera l'ensemble tranquille. La bidouillade, c'est quand même pas difficile. La bidouillade, cette chanson qui a du style. Simple pour les mamies qui leur fait oublier tous les soucis et tout ça leur donne du baume au cœur qui leur apporte aussi la bonne humeur. La bidouillade, mettez-vous tous bien en ligne. La bidouillade, on se relance, on est tranquille. La bidouillade, c'est quand même pas difficile. La bidouillade, cette chanson qui a du style. C'est le bal de l'amitié, où les gens sont tous très bien habillés. Ils sont là pour passer une bonne soirée, et demain ils auront tous mal aux pieds. La bidouillade, mettez-vous tous bien en ligne. La bidouillade, on fera l'ensemble tranquille. La bidouillade, c'est quand même pas difficile. La bidouillade, cette chanson qui a du style. La bidouillade, mettez-vous tous bien en ligne. La bidouillade, on fera l'ensemble tranquille. La bidouillade, c'est quand même pas difficile. La bidouillade, cette chanson qui a du style. Et oui, c'est très bien. Bravo à l'équipe de Dominique sympathique, chef d'orchestre, qui nous a interprété la bidouillade. Et pendant qu'on a dansé la bidouillade, eh bien, on s'est dit des petits mots bleus avec Christophe. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les bleu, ce qui rend les gens heureux, je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole, et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux. Merci à Christophe de nous avoir dit quelques mots bleus, nous avoir glissé des mots bleus. Et puis, sympathique coup de téléphone cette semaine au 04 50 56 01 48, c'est Martine. Oui, c'est Martine qui a téléphoné et elle a dit à Sylvie, dites, est-ce que vous pouvez nous passer Jean-Marc là, dans le retour? Parce que mon mari et moi, on adore le retour. On est des amoureux du retour. C'est-il pas sympathique ça? Alors, pour le plaisir de Martine et Georges, deux amoureux du sympathique plateau de retour, et bien on écoute le retour, Jean-Marc. Venu de très loin, chassé par les guerres, Saint-Claude des bouchous et des moussières. Se réfugier sur le plateau désert, accablé de souffrances et de misères. J'étais là-haut sous le soleil de plomb. C'était le dur travail, venaisons et moissons. Avant le primat des saisons, rassembler les troupeaux perdus dans l'horizon, bloqués par les congères et par le vent, fallait subsister tout l'hiver durant. Mais angoissant, retors l'hiver du sel, c'était le désert blanc. Les gens de retard, les gens de retard ont toujours connu la misère. Les gens de retard, les gens de retard ont vécu, ont lutté, ont souffert. Par tous les temps, la cloche de la chapelle. Près du curé appelait tous les fidèles. Ce jour-là, toutes les femmes se faisaient belles. Les hommes échangeaient les dernières nouvelles. Le soir, c'était le moment de la veillée. Des fermes, même les plus éloignées, réunies devant la grande cheminée. Ils goûtaient la châtaigne, buvaient le vin clairet. Les gens de retard, les gens de retard s'unissaient dans la même prière. Les gens de retard, les gens de retard essayaient d'oublier leur misère. Hélas, peu à peu s'en sont allés. Les fermes furent alors abandonnées. Les toits puis les murs se sont effondrés. Les ruines aujourd'hui témoignent du passé. Toi le skieur qui traverse près devant, le randonneur qui marche en chantonnant, arrête-toi, assieds-toi, prends le temps, ferme les yeux, pense à eux. Un instant, aux gens de retard, aux gens de retard, qui ont toujours, toujours connu la misère. Les gens de retard, les gens de retard, qui ont vécu, ont souffert et sont morts. Merci à Jean-Marc d'avoir écrit et de chanter cette merveilleuse mélodie, cette merveilleuse chanson sur le magnifique plateau de Rotor qu'on a à notre porte. Et puis encore une fois, merci à Martine et à Georges d'avoir pensé à programmer ce dimanche sur le plateau de Rotor. See you. mademoiselle Edith Piaf va nous chanter Les Trois Cloches avec les compagnons de la chanson. Et c'est pour un anniversaire, pour l'anniversaire de Raymonde qui se trouve dans le Jura. Alors Raymonde, toute la famille vous souhaite un bon anniversaire, une bonne santé, puis plein de bonheur à vous. C'était cette semaine. Alors pour vous personnellement, pour vous Raymonde, Edith Piaf, Les Trois Cloches. Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré, voici quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nicot, il se nomme, il est jour plus tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain, dites au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nicot, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine une flamme, encore faible qui réclame protection dans les amours. La vallée, loin des chemins, loin des humains, voici qu'après 19 années, qu'avant les mois, le Jean-François prend pour femme la douce Élise, blanche comme un fleur de palmier, devant Dieu. François Nicot, un seul cœur, une seule âme, il apparaîtrait pour toujours. Voyez une pure flamme, s'élève et qui proclame la grandeur de votre amour. Éternelle, l'éternité de l'amour. Bon anniversaire à vous Raymond et bonne journée. Maintenant, un autre anniversaire. C'est une petite dédicace comme ça qu'on nous a téléphoné cette semaine également. Et c'est Lulu et Fanfan qui souhaitent un joyeux anniversaire de mariage, 32 ans, à Gilbert et Nadine de Montange. Et avec un peu d'avance, une bonne fête à Gilbert. Gilbert, c'est le 7, je crois que c'est jeudi 7 à Saint-Gilbert. Alors si vous rencontrez des Gilbert, souhaitez-les. Une bonne fête. Alors, pour de la part du LUF Enfant, pour Gilbert et Nadine, nous allons écouter Sandrine Yon, qui va nous amener danser avec une merveilleuse valse, Bourrasque. Son bon anniversaire de mariage. Je l'aime à la folie et qu'elle est belle comme la vie. C'est Célimène. On m'avait dit tu verras qui c'est Célimène. Et tu en auras plus qu'à c'est Célimène. Mais sous elle valait tes pensées. C'est Célimène. Mais quand on s'est rencontrés, j'étais tout à fait fauché. Ça ne l'a pas empêché de se laisser inviter. Et quand on s'est rencontrés, toute la nuit on a dansé. On ne pouvait plus s'arrêter quand la musique a cessé. C'est Célimène. On passe nos journées à s'embrasser. C'est Célimène. L'amour, elle n'en a jamais assez. C'est Célimène. Après, on s'endort tout le temps lassé. C'est Célimène. C'est Célimène. On passe nos journées à s'embrasser. C'est Célimène. L'amour, elle n'en a jamais assez. C'est Célimène. Après, on s'endort tout le temps. Eh bien, nous allons retrouver Sandrine Yon qui va nous interpréter Bourrasque. Et c'est pour l'anniversaire de mariage de Gilbert et Nadine Montange. Et c'est de la part de Lulu et Fanfan. Bourrasque. let me be your loving teddy bear. Put a chain around my neck, lead me anywhere. Oh, let me be, oh, let me be teddy bear. Oh, I don't want to be a tiger. Tigers play too rough. Don't want to be a lion. Lions ain't the kind love and love. We just want to be your teddy bear. Put a chain around my neck, lead me anywhere. Oh, let me be, oh, let me be your teddy bear. Oh, let me be, oh, let me be your teddy bear. Something that I might have said. Please just forget the past before I kick it. You were hard, it's true. Oh, I want no love. Baby, just you and me. Let me think about it a minute. I don't know if I want to give you the scarf or not yet. Don't be cruel. Your heart is true. Be back. Don't be cruel. Well, I don't want no love, baby, it's just you hanging up. Je pense que vous avez tous reconnu le Kin. Edith, oui, le Kins. Et toujours à l'écoute des 91, des 91 MHz de sur GFM, bien sûr. Et puis maintenant, on va écouter Yves Dutheil qui va nous interpréter « Prendre un enfant par la main ». C'est de la part d'Edmé pour sa fille Annie. Elle la remercie pour son dévouement à sa rentrée de convalescence. Alors Edmé, c'est sympathique d'avoir une fille comme ça qui est dévouée pour sa maman. Et puis Edmé, eh bien, vous souhaite une bonne santé, puis plein de bonnes choses. Et à part de votre part, votre gentille fille Annie, nous allons écouter « Prendre un enfant par la main ». Étouffant sa joie, un enfant contre soir. Très belle chanson d'Yves Duteil, Prendre un enfant par la main. Et c'était de la part d'Edmé pour sa fille Annie avec un grand, grand merci. Et bien maintenant, on va écouter, pour mon bébé d'amour, Caro, on va écouter Louane qui va nous interpréter Je vole. Alors pour mon bébé d'amour, ça c'est une gentille dédicace, hein, pour mon bébé d'amour, Caro, Louane, Je vole. Je pars, je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père, démuni, a souri. Ne pas se retourner. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, voir ce que je me suis promis, pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette guerre qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer. Ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. vous n'avez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la la. Je vole, je vole. C'était pour Caro de la part de son bébé d'amour. Comme c'est-y gentil, je vole, c'était Louane. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, non, on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire. Dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, non, non, non, il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire. Sans tendresse, le temps nous paraît long. Long, long, long, long. Le temps nous paraît long. Dans le feu de la jeunesse, naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Pauvre diable, croyez et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient. Non, non, non, non, on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. On continue les dédicaces, on continue les dédicaces. C'est Michel Delpech qui va nous interpréter le Loir-et-Cher, et c'est pour le plaisir personnel d'Yvette à Bellegarde, le Loir-et-Cher, Michel Delpech. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à tourner des hectares de terre. Je n'ai jamais eu grand-chose à les aime depuis toujours. De temps en temps, je vais les voir. Je passe un dimanche en Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Chaque fois que je m'arrête dans le Loir-et-Cher, ils me laissent plus partir de chez eux. Je leur dis qu'il faut que je rentre sur Paris. Je fais pas toujours ce que je veux.

L'émission se termine, c'était une heure de détente, une heure de bonne humeur avec Michel, et c'est tous les dimanches. Bye bye. Merci d'avoir été avec moi sur les 91 MHz de Sorgue FM. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche. Merci, bon dimanche à vous toutes et à vous tous, et à bientôt, bye bye! La radio la plus proche de chez vous, sur 91 FM et sur le 102.5 FM.